demander. Changer de numéro, chez moi. Trahir c'est une hante, ils se trahissent et redeviennent frérot. Studio, studio c'est ma vie. Je vois pas plus trop ma famille. On m'a dit tu choisis pas ta famille, mais tu peux choisir tes amis. J'ai trop fait de tours, ça y est j'en peux plus, je connais tout par cœur. J'ai fait que du bien, ils m'en veulent, fuis mon parcours. C'est pas facile, plus rien qui me facile. Je passe le sang pour la voisine, je fais un saut dans la piscine. Je suis en haut de la tour, j'ai pas le temps de regarder en bas. Donc crois pas que je fais le sourd. C'est juste que je t'entends, c'est juste que je t'entends. Je suis en haut de la tour, j'ai pas le temps de regarder en bas. Donc crois pas que je fais le sourd. C'est juste que je t'entends pas. Je veux voir en grand mon affiche. Je mène de la corniche. Je fais pas de manière de riche. Des PC réels, y'a pas de triche. Le bon Dieu, il me donne. Je sais que j'ai rien volé. C'est pour ceux en tôle qui rêvent de s'envoler. Arrête de faire ta folle. Ça va, je rigolais. De la zik et un peu d'alcool. Ça y est, je peux décoller. Tu as changé mon thème, et c'est pas ma faute. Tu m'aimes plus, idem. Des potes, y'en a d'autres. Faut pas écouter les gens, baba. Ils sont pleins de légendes, baba. Je suis gentil, je pourrais être méchant, baba. J'ai grandi, j'ai pas trop vu, papa. J'ai perdu le goût de la vida. Mon cœur a du mal à se vider. Heureusement qu'il y a Chiquita. J'pourrais pas la quitter. Le bon Dieu, il me donne. Je sais que j'ai rien volé. C'est pour ceux en tôle qui rêvent de s'envoler. Arrête de faire ta folle. Ça va, j'ai rigolé. Classique et un peu d'alcool. Ça y est, je peux décoller. Je me suis coupé du monde. J'ai changé de numéro. Si mon trahir c'est une honte, ils se trahissent et redeviennent frérot. Studio, studio c'est ma vie. Je vois pas plus trop ma famille. On m'a dit tu choisis pas ta famille, tu peux choisir tes amis. Le bon Dieu il me donne. Je sais que j'ai rien volé. C'est pour ceux en tôle qui rêvent de s'envoler. Arrête de faire ta folle. Ça va, j'ai rigolé. Classique et un peu d'alcool. Ça y est, je peux décoller.